Les nuits de France Culture, nuit spéciale Édith Piaf à l'occasion de l'exposition Piaf à la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand à Paris dans le 13e arrondissement. En début de nuit, Joël Hudvol nous a présenté cette exposition dont il est le commissaire, directeur du département des arts du spectacle à la BNF. Puis nous avons pu suivre une version radiophonique intégrale du Bel Indifférent, pièce de Jean Cocteau, lequel Jean Cocteau présentait lui-même cet enregistrement. On suivit deux volets de la série de Maëlys Bessery, La vie en Piaf. Et plus tard dans la nuit, vous pourrez entendre La joie de vivre d'Édith Piaf, qui date de 1954, et un troisième volet de cette série, donc de La vie en Piaf. Toutes ces émissions et l'enregistrement, l'entretien avec Joël Hudvol, bien sûr, vous pourrez les réécouter en ligne durant 1000 jours et les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les nuits de France Culture. Bonsoir Bertrand Bonnieux. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, nous n'avons pas épuisé les charmes de cette exposition, et grâce à vous, donc, Bertrand Bonnieux, vous êtes conservateur au département de l'audiovisuel à la BNF. Nous allons en savoir plus. Vous avez écouté tout à l'heure Joël Hudvol. Alors, rassurez-nous, il n'a pas tout dit. Pas tout à fait, mais il a dit beaucoup de choses déjà. Alors, on a terminé l'entretien avec lui en écoutant Les Blouses Blanches. Et je crois que vous avez quelque chose à nous dire sur cette terrible chanson. Oui, c'est une chanson terrifiante, et à tel point qu'elle terrifiait Piaf elle-même, qui ne l'a pas longtemps chantée sur scène. Donc c'est une chanson de 1960 qui a suivi une année terrible pour Piaf. C'est l'année 1959 où elle a été hospitalisée 4 fois. 2 fois aux États-Unis pour des problèmes intestinaux, de bride intestinale. Et puis, pour aller vite, en France aussi à l'hôpital américain. Et pour terminer l'année, elle a fait une cure de désintoxication à Meudon. Donc c'est une année où elle a vu des blouses blanches. Voilà. Et comme souvent la réalité inspirait ses chansons, elle a demandé à Michel Rivgauche de lui écrire cette chanson, Les Blouses Blanches. J'ai lu quelque part, Bertrand Bonnieux, dans l'exposition de la BNF, que la BNF, justement, était un formidable grenier propre et bien rangé de la culture populaire. C'est la BNF qui dit ça d'elle-même. Et ça n'a pas toujours été le cas. Il faut le préciser, bien sûr qu'on faut le préciser. Enfin, c'est pas un réflexe. Les visiteurs ne à première vue, quand ils pensent à la BNF, quand ils viennent à la BNF, ils pensent aux manuscrits médiévaux, ils pensent aux enluminures, ils pensent aux imprimés, et pas toujours à ces départements spécialisés qui collectent des choses peut-être plus modeste, comme des disques, comme des monnaies, médailles, encore que ça soit pas forcément des objets modestes. Voilà, donc c'est utile de le préciser, d'autant plus que si on raisonne de façon extra-internationale, dans tous les pays, les bibliothèques nationales ne sont pas organisées de la même façon. Par exemple, quand on va à la British Library, c'est une des premières choses qu'on voit quand on monte là dans le nouveau bâtiment, c'est qu'il y a une collection de timbres postaux, alors que nous, à la BNF, nous ne gardons pas les timbres. Voilà. Donc, il y a un musée de la Poste à Paris, peut-être. Voilà, c'est peut-être ça. Les partitions ne sont pas les mêmes, ouais, suivant les institutions. Et par exemple, pour cette exposition Piaf, alors d'où viennent les collections, enfin d'où viennent les objets que l'on peut voir? Il n'y a pas que des objets, il n'y a pas que le gant de Marcel Cerdan, ni la petite robe noire. Ça, c'est mythique, mais bon. Voilà, Joël Hudvol a parlé tout à l'heure donc du don Daniel Bonnel, hein, donc qui est un peu le prétexte à faire cette exposition, puisque c'est un don très important et qui nous permet de montrer des choses qui n'ont jamais été montrées, comme effectivement sa garde-robe, mais aussi beaucoup de documents de travail, hein, des programmes de concerts, de tournées, ces petites fiches de travail, des petits Bristol où elle avait des résumés de ses chansons traduits dans la langue du pays où elle allait se produire. Voilà, donc il y a toute cette partie de documents. Ensuite, il y a les différents départements de la BNF dont je parlais tout à l'heure, qui ont chacun conservé des richesses, donc qu'on a mis en commun. Donc le département des estampes et de la photographie conservait effectivement beaucoup d'affiches, de photographies concernant Piaf. Le département des manuscrits, on y a fait allusion tout à l'heure avec le manuscrit de Roland Barthes, mais il y en a d'autres, conserve des manuscrits sur un peu tous les sujets. Et puis, pareil, on a un département de la presse qui conserve aussi les journaux, donc qui nous a permis de retrouver, par exemple, le premier article du petit Parisien qui évoque pour la première fois Édith Piaf. La Môme aussi... Piaf, alors comment elle s'appelle à cette époque-là? La Môme Piaf, bien la sûr, Piaf. Oui. Il y avait une affiche sur Édith Piaf, un phénomène vocal. C'est à 10 ans, on lui fabrique une petite carte de visite, une petite carte illustrée, presque une carte postale, où effectivement... Phénomène vocal. Miss Édith, phénomène vocal. C'est donc pas rien. C'est pas rien, c'est le nom sous lequel elle se produisait. Voilà, et dans la liste des départements qui ont fourni des documents qui ont servi à cette exposition, j'oublie pas le département de la musique, hein, avec les partitions, les petits formats, et puis le département de l'audiovisuel où je travaille, où on a la discographie presque complète d'Édith Piaf, parce que la discographie complète, c'est un leurre. On n'arrivera jamais à la constituer parce qu'il y a beaucoup d'inédits qui traînent à droite, à gauche, dans des radios étrangères, chez des particuliers, des épreuves, des acétates. Voilà, mais on a beaucoup de choses. Mais ce que vous appelez inédit, Bertrand Bonnieu, c'est une version inédite d'une chanson que l'on connaît. Il n'y a pas de chanson enregistrée qu'on ne trouverait pas. Si, absolument. Je sais qu'on avait retrouvé une histoire de. Voilà. Faire la vaisselle là, voilà, c'est en 2003, déjà il y a 12 ans. Il se trouve que dans notre département de l'audiovisuel, on a récupéré par le plus grand des hasards des matrices de la maison de disques Polydor, qui était sa première maison de disques. Qui était voisine de la BNF d'ailleurs. Exactement, à l'époque, oui. La maison Polydor avait enregistré un certain nombre de chansons, et certaines, on avait décidé de ne pas les commercialiser. Donc les matrices ont été conservées, les matrices en cuivre. Et puis dans les années 80, Polydor, par manque de place, a voulu s'en débarrasser, les vendre à un ferrailleur. Et c'est là qu'on a eu l'information et qu'on a pu les rattraper. Et donc en 2003, deux discographes ont fait des fouilles, parce que c'est vraiment des fouilles archéologiques, parce que je vous assure, c'est très lourd, ces matrices, c'est plein de poussière, c'est vraiment, il faut y aller à la lampe de poche. Et ont découvert en 2003 sept chansons inédites, dont cette fameuse Je ne veux plus laver la vaisselle, qui est dans l'exposition et qui est aussi dans l'intégrale de 2003. Et je peux vous dire que depuis 15 jours, la nouvelle maison de disques d'Édith Piaf, parce que c'est compliqué, vous savez que Emaille a été rachetée, vendue en partie, donc c'est maintenant Warner Music qui a la partie française d'Emaille. Et bien Warner Music, qui veut faire une nouvelle intégrale Piaf pour la fin de l'année, nous a envoyé une personne qui a repris les fouilles en se disant il y a peut-être encore quelques inédits d'Édith Piaf. Et vous les souhaitez, vous les redoutez? Non, parce que c'est peut-être pas les meilleures interprétations. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas forcément souhaitable, mais en tout cas c'est pour les historiens, c'est intéressant parce que ça amène des éléments. Par exemple, cette chanson Je ne veux plus laver la vaisselle, écrite par Piaf. Pourquoi Polydor l'a pas commercialisé à l'époque? On peut penser que la chanson était un peu faible. En fait, je ne veux plus laver la vaisselle. C'était pas une revendication féministe parce que Piaf n'était pas une féministe, surtout en 43. Mais c'était tout simplement une femme de chambre d'un hôtel qui disait je ne veux plus laver la vaisselle pour faire le ménage dans les chambres pour les clients. Je préférais laver la vaisselle et faire le ménage pour un seul homme. Ça renvoie à celle qui nettoie les verres. Exactement, ça c'est plus tardif, oui. Hein, les amants d'un jour, oui, c'est les années 50. Ça. Moi j'essuie les verres au fond d'un café. Peut-être qu'un publiciste, des gens de la publicité vont essayer de sortir cette chanson pour en faire une publicité pour un lave-vaisselle. Non, pourquoi pas, parce que la musique est pas mal, hein, elle est de Marguerite Monod, c'est une musique qui est pas... Oui, mais justement, quel est le droit moral finalement sur les chansons d'Édith Piaf? Parce que je ne vous demande pas qui sont les héritiers d'Édith Piaf. bon, ça, peu importe. Mais si quelqu'un veut prendre une chanson, on a écouté avec Joël Audu, tout à l'heure, la version de Les Amants de Paris, une chanson de Ferré qu'on entend dans La Maman et la Putain. Tout le monde ne peut pas prendre une chanson de Piaf pour la passer dans un disque. Il faut demander à qui. Je pense pas qu'il y ait de problème à utiliser une chanson. Voilà, il y a les droits financiers, bien sûr, mais oui. il y a aussi quand même, je pense, le droit moral. Je pense que le droit moral, il s'applique si les héritiers perçoivent que l'utilisation de la chanson est contraire à l'image que eux ont de l'artiste dont ils sont les héritiers. Enfin, bon, si la chanson ridiculisait Édith Piaf, donc les deux héritières, hein, qui sont les deux sœurs de Théo Sarapo, ah, oui, qui sont encore vivantes, Christy Lhomme et sa sœur, voilà. Donc, elle pourrait effectivement protester et voilà, a posteriori, il pourrait y avoir une action judiciaire. Ça arrive, il y a eu des cas. Il y a eu Jean Ferrat qui a réussi de son vivant à faire interdire un disque où on l'avait compilé avec des auteurs, avec des chanteurs qui n'étaient pas forcément de sa sensibilité politique. Donc ça fait jurisprudence. Ça. En tout cas, les deux sœurs de Théo Sarapo ne viendront pas protester contre l'exposition parce qu'elle est vraiment. Elle va dans le mythe, dans la légende. Elles sont venues au vernissage et elles en sont ravies. C'est vraiment, nous l'ont dit plusieurs fois. C'était vraiment assez émouvant. Elles sont venues avec leurs enfants, leurs enfants et leurs petits-enfants. C'était vraiment... Voilà, non, je pense pas... On oublie que longtemps après, voilà, que les poètes ont disparu, il y a quand même des familles comme ça qui s'intéressent au fait que ça marche bien quand même, que ça se vende. Oui. Puis bon, en plus cette exposition n'a, comme vous l'avez perçu, n'a rien de triste. Hein. C'est pas un tombeau pour Édith Piaf. On a voulu quand même restituer une Piaf très très optimiste, très très rieuse, très très rigolote. Et il y a ces éclats de rire sous une lanterne à un endroit, et bon, ça donne le ton un peu de l'exposition. Bon, on va écouter Édith Piaf quand même. Ce serait peut-être dans les grognards. C'est peut-être une chanson qu'on aurait pu écouter. Alors, non pas dans les années 20, non, bien entendu, ni 30, parce que la chanson n'existait pas. Mais il y avait un appareil, Bertrand Bonnieux, sur lequel on écoutait. C'était quoi? C'était le jukebox de l'époque? Alors, c'était l'autophone. On le voit dans l'exposition. On le voit dans l'exposition. Hein, voilà, c'est un meuble en bois. Et ça ressemble un peu à un guéridon. Et en fait, donc on le trouvait dans les cafés, dans les gares, paraît-il. Et c'est en fait l'ancêtre du jukebox. Donc il y avait un monnayeur, hein, comme pour le jukebox, on mettait un jeton ou une pièce de monnaie, et donc ça déclenchait la lecture d'un disque. D'un 78 tours. Voilà, d'un 78 tours, voilà. Donc ça existait entre 1925 et 1940. C'est un Français, Paul Salomon, qui avait le brevet. Et on a des témoignages qui disent que Édith Piaf aimait bien aller s'écouter dans les cafés sur les autophones. Alors cet autophone, c'est une propriété de la BNF, j'imagine, vous oui, l'avez. Oui, et... parce que nous conservons donc dans le département de l'audiovisuel une collection d'appareils de lecture qu'on appelle la collection Charles Cros. Donc c'est une réserve visitable sur rendez-vous. Hein, donc, quand on prête pas les pièces pour les expositions, cette réserve est visitable sur rendez-vous, et on a quelques centaines d'appareils de lecture. Alors, ça va effectivement des vieux phonographes à pavillon jusqu'à des appareils plus modernes, puisque vous savez, dans notre département, on a aussi en plus du dépôt légal du disque, de la vidéo, on a aussi le multimédia et donc les CD-ROM, et donc on conserve aussi les consoles de jeux, voilà, puisqu'on conserve les jeux vidéo, voilà. Et donc voilà, il y a des jukebox, il y a des automates, voilà. J'espère qu'un jour on pourra montrer plus largement cette collection, mais qui encore une fois est visitable sur rendez-vous, la collection Charles Cros. Écoute, peuple de Paris. Tu n'as pas la fièvre. Écoute ces pas qui marchent dans la nuit, qui s'approchent de ton rêve. Tu vois des ombres qui forment une fresque gigantesque accrochée dans ton ciel. Écoute, peuple de Paris. Regarde, peuple de Paris, ces ombres éternelles qui défilent en chantant sous ton ciel. Nous, les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusils ni souliers, sans ennemis et sans armée, on s'ennuie dans la nuit du passé. Nous, les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusils ni souliers, ce soir nous allons défiler au milieu de vos Champs-Élysées. D'Agora, Miena, Hello, à Colmarago, ça sonne bien. Quelle jolie bataille, tout ce travail, c'était pas pour rien. Puisque les noms de rues, les noms d'avenues, où vous marchez, c'est avec le sang de nos 20 ans qu'on les a gravés. Nous, les grognards, les grenadiers, sans grenades, sans fusils, ni souliers, sans ennemis et sans armée, on s'ennuie dans la nuit du passé. Nous, les grognards, les grenadiers, on est morts sur des champs étrangers. On a visité la Russie, mais jamais nous n'avons vu Paris. On n'a pas eu le temps d'avoir un printemps qui nous sourit. Nos pauvres amours duraient un jour, au revoir et merci. Les grenadiers, on nous a oubliés. Depuis le temps de nos combats, il y a eu tant et tant de soldats. Mais cette nuit, vous nous verrez sans grenades, sans fusils ni souliers. Défiler au pas cadencé au milieu de vos Champs-Élysées, sans grenades, sans fusils et ni souliers. Les frissons qui nous font on réagit par des frissons à certaines chansons d'Edith Piaf. Oui, alors cette chanson-là appartient un peu à ce que j'appellerais la veine médiévale d'Edith Piaf. Elle a chanté plusieurs chansons qui sont un peu dans la même tonalité. Les prisons du roi, le prisonnier de la tour dont les paroles ont été écrites par Francis Blanche. Elle aimait bien ces chansons-là avaient beaucoup de succès aux États-Unis notamment quand elle a tourné, peut-être plus qu'en France. Bon, certaines se sont peut-être un petit peu mal vieillies, mais elles sont attachantes, ces chansons, ces chansons de cette veine-là. Alors, on parle depuis le début de cette nuit, Bertrand Beugnieux, et on a parlé avec Joël Hudevol tout à l'heure, donc d'Edith Piaf, les auditeurs avaient compris. Mais on parle de l'Edith Piaf interprète, il y a aussi l'Edith Piaf parolière. Et peut-être compositrice. Et compositrice, oui, oui. Donc, elle a écrit autour de 90 chansons, le plus souvent pour elle, dans une première phase. Dans une deuxième phase, quand elle va lancer des jeunes chanteurs, elle mettra la main à la pâte pour leur répertoire. Mais dans un premier temps, c'est pas tout à fait exact ce que je dis, puisqu'elle elle a assez peu confiance en ses talents de parolière et de compositeur, à tel point que la chanson La vie en rose, elle la propose à une autre. Elle la propose à à une autre. Et c'est que dans un deuxième temps, qu'elle la met dans son répertoire. Et on peut dire la même chose aussi de Hymne à l'amour, qui est effectivement le même cas de figure. Alors, il y avait un problème aussi technique, c'est que pour composer des chansons, il fallait être sociétaire à la SACEM. Et pour être sociétaire à la SACEM, à l'époque, il ne suffisait pas, comme aujourd'hui, de justifier de quelques passages radio. Il fallait passer un examen. Voilà, dans une salle de classe, on vous donnait un thème. Voilà, écrivez une chanson sur le printemps, sur l'hiver, sur voilà. Et donc Piaf s'est soumis à ces deux examens, puisque dans un premier temps, elle a réussi l'examen de parolière, et dans un deuxième temps, celui de mélodiste. Voilà. Mais quand elle a écrit La Vie, quand elle dépose La Vie en rose, elle n'a pas encore réussi le deuxième examen, ce qui fait qu'elle cherche un prête-nom. Donc elle demande à son compositeur fétiche, Marguerite Monod, qui lui dit non, c'est nul cette musique, je ne veux pas la signer. Donc elle se rabat sur Luigi, qui est un de ses compositeurs également, qui finalement la co-signe, mais c'est elle qui en est l'auteur, paroles et musique. Et alors dans un deuxième temps, quand elle sera, après avoir été pygmalionisée, prise en main par des gens comme Raymond Asseau, donc elle va à son tour être l'égérie, le déclencheur de carrière de gens comme Yves Montand, Eddy Constantine, Théo Sarapo à la fin. Aznavour, oui. Aznavour, c'est un cas un peu différent, parce que comme vous savez, Aznavour n'a pas été l'amant d'Edith Piaf. Enfin, c'est bien ce qu'il dit. Et donc on l'entend dans l'émission la série de Maëlys Bessery. Voilà. Par contre, les trois autres, quand ils débutent, n'ont pas de répertoire, et donc elle leur trouve des chansons, et voilà, et elle leur écrit elles-mêmes des chansons. Donc Yves Montand, Ella, la Grande Cité, Edith Constantine, les chansons de la comédie musicale La Petite Lily, et Théo Sarapo, comme on sait. Donc voilà, elle déploie ses talents de parolier et de compositeur, autant pour elle que pour les chanteurs qu'elle lance. Il faut dire que alors les chansons qu'elle signe, comme La Vie en rose, Hymne à l'amour, vont devenir très vite des standards internationaux, puisque dès 1950, La Vie en rose, hein, qui date de 45, 46, 47, elle enregistre. En 1950, il y a une version par Louis Armstrong, donc à la trompette et ensuite au chant, vraiment qui est magnifique. Donc ça, c'est le début de sa carrière, parce que vous parlez de la Edith Piaf Pygmalion, c'est une Pygmalion un peu irritée parfois. C'est-à-dire qu'une fois qu'il faut un petit peu réussir, mais qu'il ne faut pas trop non plus. Oui, elle est un peu rebelle, effectivement. Oui. Non, mais ça peut l'agacer. Voilà, elle jette assez facilement les hommes qu'elle a lancés. Non, oui, d'ailleurs. Enfin, elle les lance et puis elle les jette. Elle les jette, oui. Et puis elle ne supporte pas une autorité trop présente. Enfin, là. Quand elle était chez Polydor, la maison de disque Polydor, c'est Jacques Canetti hein, qui l'a fait enregistrer. Mais on peut pas dire qu'il y ait eu de la direction artistique concernant ces enregistrements. La directrice artistique, c'était elle. C'était elle qui décidait tel arrangement, tel autre, des chœurs, pas de chœurs. Voilà, elle ne supportait pas. De toute façon, elle était l'immense vedette, elle avait le droit et puis elle avait les qualités pour être exigeante et... Et un petit peu dans la... Oui, c'était elle qui décidait. C'est elle qui décidait. Et puis, il faut dire qu'elle avait du nez, elle avait du flair. Elle s'y reprenait plusieurs fois. On est surpris de voir dans sa discographie que, voilà, pour certaines chansons, elle n'était pas satisfaite de la première prise. Et donc, elle l'a réenregistrée quelques mois après, dans une deuxième version, avec des chœurs, sans chœurs. Et puis, bon, il y a la fameuse histoire aussi, donc, de la chanson L'accordoniste, dont on fait écouter dans l'exposition deux versions, puisque c'est une chanson paroles et musique de Michel Aimer, donc qui lui amène en début 1940, alors qu'il est en, qui part à la guerre, hein, donc on a un premier enregistrement. Donc la chanson s'appelle d'abord la fille de joie et triste. On a un premier enregistrement où on sent que bon, elle endosse pas trop la chanson, elle tâtonne un petit peu, et puis à la fin ça se termine un peu de façon un peu classique. Et puis quelques mois après, donc sous le titre L'accordéoniste, elle donne une deuxième version beaucoup plus tonique et qui se termine par ce fameux arrêter la musique avec la musique qui s'arrête, le petit gimmick qui donne tout son charme à la chanson. Donc c'est un peu de la musicologie qu'on fait dans l'exposition. Nos visiteurs peuvent jouer les apprentis musicologues en écoutant successivement les deux versions de cette chanson et s'amuser à les comparer. Même qu'il y a les notes variantes dans des éditions littéraires, là il y a voilà, les variations, les disques. Voilà. Et puis on a même dans les entretiens qu'on a fait avec Joël Hudvol, on a interviewé une musicologue de la Sorbonne, de Paris 4, qui nous analyse un petit peu la voix de musicologue. Elle est très troublante parce que bon, certes elle nous dit quel est son nom déjà. Alors c'est Catherine Rudan, hein, donc de Paris 4, qui nous explique que voilà, Piaf a une voix d'alto. Pas extraordinaire, voilà, mais une belle voix d'alto, bien marquée, mais que sa signature vocale, c'est plutôt ses vibratos et la tenue de ses vibratos, qui sont tenus très très loin, qui sont très généreux. Et puis, elle nous dit aussi que elle accentue les consonnes. Voilà. Et elle compare. Plutôt Edith, la voix d'Edith Piaf, on aurait aimé qu'elle la compare à des chanteuses de jazz, Billie Holiday, mais elle trouve des similitudes entre la voix d'Edith Piaf et celle de folk singer comme des années 60, comme Pete Seeger, comme Bob Dylan. Alors ça c'est troublant, mais effectivement quand on écoute, on se dit oui, c'est pas stupide. Et alors Piaf aussi ne chante qu'en voix de poitrine, hein, jamais en voix de tête, voilà. Mais c'est voilà sa signature vocale, c'est cette puissance, alors on l'a interviewé aussi sur le côté métallique de sa voix, mais elle a pas voulu entendre parler de ça en disant non, c'est pas un critère musicologique le fait qu'elle ait une voix métallique, mais bon, je maintiens qu'elle a une voix métallique, mais je pense qu'effectivement c'est parce que sa voix nous arrive par le biais des appareils de reproduction et de lecture. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de la voir sur scène. La pression était peut-être différente quand elle chantait sans micro, parce qu'elle, je m'imagine que quand elle était au cabaret, elle n'avait pas besoin de microphone. Comment s'appelait ce cabaret là où elle a été lancée en fait? Alors c'est le Gernis, voilà, c'est le Gernis qui était un cabaret rue Pierre Charon, près des Champs-Élysées. Donc, qui était un cabaret rive droite, hein, c'est le cabaret, c'est pas le cabaret littéraire du Montmartre, de la fin du 19e ou du début du 20e, ni le cabaret, bien sûr, rive gauche des années 50. Voilà, c'est plutôt, c'est une clientèle bourgeoise, hein, qui vient, consommer en écoutant, voilà, des artistes, voilà, et ses débuts sont assez fulgurants, hein, puisque, donc, elle a très vite beaucoup de succès au Gernis. Et que il se passe pas deux mois avant qu'on lui propose un contrat d'enregistrement. Un contrat, je m'avance peut-être parce que je pense pas que c'était des contrats, mais enfin, avant qu'on lui propose d'enregistrer des disques dans la maison de disques Polydor. Et puis Oui, on voit toutes les vignettes, les étiquettes dans l'exposition et puis dans le livre, donc, publié par la Bibliothèque nationale de France sur le Piaf. Vous croyez qu'il y a encore dans des greniers, vous pensez que ça existe encore? On les trouve encore, par exemple? Alors là, c'est les étiquettes des 78 tours, hein, ça se casse quand même. Qu'on a détouré. Ben oui, ça se casse, mais bon. En tout cas, nous, au département de l'audiovisuel, on a ces disques-là. Le premier disque de Piaf, là, Les Mômes de la Cloche, par la Môme Piaf, on en a deux exemplaires, dont un service de presse, d'ailleurs, hommage de l'éditeur. Voilà, mais donc effectivement, très vite, elle est enregistrée chez Polydor, puisqu'elle fait sa première séance d'enregistrement le 18 décembre 1935, c'est-à-dire la veille de son 20e anniversaire. Et puis, l'année 36 va continuer à se produire, à enregistrer beaucoup. Et dès début 37, elle bascule au musical, au théâtre de l'ABC dont on parlait tout à l'heure. Donc, en l'espace de 16 mois, elle passe du statut de chanteuse de rue à chanteuse enregistrée, chanteuse de cabaret à chanteuse de musical. Donc, il y a vraiment une fulgurance dans ce qui est très réussi dans cette exposition, Bertrand Bonnieux, c'est vraiment qu'on a l'impression, en allant donc sur ce site François Mitterrand, quai François Mauriac, dans le 13e arrondissement à Paris, on a l'impression d'aller à l'ABC, d'aller à l'Alhambra, d'être à l'Olympia, à Bobino, enfin on est partout, donc sur une cinquantaine d'années. Tout à fait. Bon, on a une équipe de scénographes dont on parlait tout à l'heure. Je formule là vraiment, on leur doit une fière chandelle parce qu'elles nous ont construit là un espace, un espace musical qui connote tout ce que vous dites. Voilà, on est à la fois à l'Olympia, au cabaret. Il y a le côté un peu alcôve. Il y a toute la carrière qui est résumée dans un espace circulaire. Et on a même trouvé des vieux sièges de théâtre. Alors ils viennent pas de l'Olympia, ils viennent du théâtre Trévise là qui a changé son mobilier. Donc on a des vieux fauteuils de music-hall en velours rouge, vraiment dans leur jus. Voilà, on s'y croirait. On s'y croit d'ailleurs. Et au détour, alors donc bon, on a cité la petite robe noire, le gant de boxe, des choses comme ça, la photo d'une dizaine d'amants sur un chiffre un peu supérieur. Enfin bon, ça c'est connu, on est content de les retrouver. On pourrait pas, vous n'auriez pas pu faire l'économie de ces visages-là ou de ces objets-là. Mais moi j'ai découvert par exemple la figure de Jacques Bourgeat. Ah oui. Alors voilà, il y a des personnages secondaire, en tout cas inconnu du grand public, mais que vous faites ressurgir, voilà. Et c'est une très bonne sortir chose. De l'ombre, effectivement, oui. Parce que c'était quelqu'un qui était tout à fait dans l'ombre, qui restait tout à fait dans l'ombre. C'est un des plus fidèles amis d'Edith Piaf, puisqu'il la connaît dès 35 et qui reste ami quasiment jusqu'à la fin. Donc, il lui écrit sa première chanson, la première chanson qu'on a écrite spécialement pour Piaf, c'est Chant d'habit, pour Marchand d'habit. Donc, c'est lui qui lui écrit. Et alors c'est un personnage assez particulier. Donc il était au départ artisan, il est un peu autodidacte, il devient un peu un poète du dimanche, il publie des recueils et il entretient une correspondance avec Piaf. Donc c'est pas un amant, lui, donc c'est le confident. Donc Piaf lui écrit, lui raconte ses peines de cœur. C'est quelquefois très court, c'est quelquefois un peu plus long. Il y a eu peut-être une ou deux périodes de mésentente, mais il se réconcilie très très vite. Et c'est un formidable témoignage sur l'évolution d'Edith Piaf. Voilà. Au début, on voit l'orthographe un petit peu approximative d'Edith Piaf, et on voit qu'au fil du temps, elle s'améliore, son orthographe et son français aussi. D'autant plus que ce Jacques Bourgeat, qui est un autodidacte, et la personne la mieux placée pour lui conseiller des lectures. Donc il lui conseille, il lui dit, tu devrais lire André Gide, tu devrais lire Platon. Et Piaf est très à l'écoute, elle lui fait confiance. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, même si au départ elle n'a pas une culture énorme, et ben elle se lance dans le banquet de Platon, et comme on a vu qu'elle a des préoccupations religieuses, métaphysiques, tout ça se rend compte. Et voilà, donc et c'est cette correspondance de Jacques Bourgeat. Alors Jacques Bourgeat était aussi un lecteur de la BNF de Richelieu, et donc à son décès, il a laissé tout naturellement sa correspondance à la BNF, qui a été sous embargo jusqu'en 2003 pour des raisons, j'imagine, privées. Et c'est la première fois qu'on montre quelques extraits de ces lettres qui sont conservés au département des manuscrits. Parce qu'on disait tout à l'heure, en début de nuit avec Jean-Luc Volk, comment ce personnage, cette personne dont on a l'impression de tout connaître avait pu devenir un mythe et une légende. Mais en fait, on découvre, puisqu'en effet, grâce à cette correspondance, alors c'est pas une correspondance qui mériterait peut-être un tome dans la Pléiade, c'est pas ça, mais c'est émouvant. On voit qu'en effet, on le savait, mais que Edith Édith Piaf n'est pas simplement Pygmalion avec les jeunes chanteurs qu'elle veut lancer, mais qu'elle-même, elle attend des Pygmalions. Elle en a eu beaucoup. Enfin, beaucoup de gens l'ont formée. Elle est intelligente. Elle a cette intelligence qui lui permet de savoir apprendre et s'améliorer. Oui, une vraie curiosité, vraiment tout azimut. Hein. Elle était. Alors, je devrais modérer un peu mon propos parce que on a remarqué avec Jean-Luc Vol que par exemple quand elle séjourne à l'étranger, apparemment elle s'inquiète pas beaucoup de savoir s'il y a des monuments intéressants à visiter, des sites, voilà, elle fait pas beaucoup de tourisme au sens strict. C'est mais elle le monument alors. Un peu peut-être, oui. C'est peut-être ses horaires de travail ne lui permettaient pas de voilà. Mais elle avait de vraies curiosités dans tous les sens du mot aussi. On parlait du côté religieux. Elle s'intéressait à des tas de choses. Bon, sa foi catholique qui était prégnante, mais aussi elle s'intéressait à un mouvement comme les Rose-Croix auquel elle a adhéré pendant un moment. Elle s'est intéressée, bien sûr, à toutes la parapsychologie, le spiritisme, la chiromancie, enfin voilà. Oui, on voit ça dans des vitrines, dans cette exposition, Bertrand Bonnieux. On va écouter la joie de vivre d'Édith Piaf, puis la vie en Piaf, Édith Piaf, du côté de l'intime, et puis on vous retrouvera en fin de nuit. On demandera à Joël Ludvol de nous rejoindre pour donner tous les détails pratiques sur cette exposition, et puis on va terminer cet entretien, évidemment, avec Édith Piaf. Laissez-le-moi.